Rachid, le temps de finir le dictionnaire. La musique, c'est éphémère. Ça dure pas. Démocratie a été virée de mon régime. Moi c'est injuste, mais tout en haut, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Fraternité, depuis tout jeune, c'est mon idée. Car toutes les couleurs de ce monde forment du HD en qualité. La solitude n'est pas le meilleur des chemins. On a 5000 amis, c'est faux, j'en veux juste un qui me tend la main. L'immigration, ça fait pas de mal, en vérité. Le monde est à nous, mon cul a des frontières électrifiées. L'innocence nous rend coupables, évidemment. On sera jugés un par un, surtout sur nos vies d'avant. Insulter, je crois qu'on a su faire le contraire. Faire du mal à une personne nous a jamais rendu fiers. La politique, ça fait 30 ans que ça avance pas. Toutes les promesses non tenues sont déguisées sous un costard. La luxure, aujourd'hui tout est sur mesure. Car tous ces pauvres d'esprit ne seront pas riches de nature. L'humanité perd ses valeurs et sa valise. Personne ne choisit le malheur et ni d'être premier sur la liste. La confiance, on fait le maximum pour la garder. Non, je veux pas d'apartheid, ni de civils bombardés. Menacé, le genre de propos qui fait peur. On s'est divisé tout seul à force d'oublier nos cœurs. La réussite, c'est rien, c'est gagner quelques pions. Je préfère ma planète d'un mec, je m'entends bien avec ta pion. Illusion, grâce à la zig qu'on est ensemble. Regarde, tes mains toutes propres et d'autres sont dans la cendre. Réfugiés, je crois qu'on est tous concernés. On va tous nous virer un jour sans faire la marche au Pas-de-Calais. La misère a fait son buzz dans tout le globe. Comment voter pour des personnes qui n'ont jamais eu la méthode? Attentat, quand ça pète, on s'y attend pas. On sait que personne n'est à l'abri, même perché au Sri Lanka. Sentimental, au fond, on a besoin de ça. Des sentiments, au fond, on a besoin de ça. Partager, donne-moi, je te le rendrai. On a tous perdu une fois et réussi le coup d'après. La magie ne fonctionne pas à tous les tours. Le lapin s'est fait la malle car le chapeau avait un trou. Consommer, c'est ce qu'on a fait depuis 100 ans. Aujourd'hui manger, ça fait peur, on sait plus trop ce qu'il y a dedans. Sentimental, au fond, on a besoin de ça. Des sentiments, au fond, on a besoin de ça. Mandico, ça te rappelle un truc comme ça. Entre Robert et la roue, ça fout Rachid, le petit rapza. Mandico, demi-portion.